thanks a lot. Bye-bye. さあ、深く呼吸をしてください。 Don't slip. Participation à une nouvelle culture radiophonique. Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Salut à tous et bienvenue dans Le Beau Bizarre avec ce soir Cédric et Alex. On Salut. A concocté un petit programme assez varié. On va commencer de manière péchue, puis on va petit à petit évoluer vers des atmosphères plus étranges, plus sombres et en même temps plus étales. Donc on commence avec quelqu'un qui va passer dans quelques mois à la Paloma Anime. Il s'agit de Gonzalez. C'est en avril, je crois, qu'il passe. Alors là, tu précises, Alex, je crois que tu... Alors, il me semble que c'est le 20, mais il faudra qu'on reprécise. C'est, il faudra, voilà, il vaut mieux. Et c'est plutôt de sa veine satienne qui sera à l'honneur à ce moment-là. Alors que là, ce qu'on va vous passer ce soir, c'est beaucoup plus une veine, on va dire, techno, enfin pas techno, électro plutôt. On va écouter le morceau Night Moves sur l'album Ivory Tower. Donc Gonzalez, bon, rapidement, son vrai nom c'est Jason Beck, c'est un Québécois. Dès son plus jeune âge, ses parents l'ont initié au piano. En 1998, il décide de quitter le Canada pour s'installer à Berlin, où il va donc rencontrer la scène électro qui va donc jouer un rôle très important pour la suite de son évolution musicale. Il est aussi fan de hip-hop d'ailleurs, et il se produit et s'est produit en tant que MC dans des clubs berlinois. En 2003, il a quitté Berlin pour Paris. Et là, il va travailler sur la musique de plusieurs artistes, et notamment Feist, sa compatriote. Ah, c'est sa compagne aussi ? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Hein. Et, en tout cas, c'est grâce à son travail avec Feist qu'il a connu un énorme succès, hein, avec son premier disque Let It Die, qu'il a co-composé. Et puis voilà, donc depuis des années, il est demandé un peu partout dans le monde, et c'est le succès pour lui, tant mieux, parce que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de talent. Qui se disperse peut-être parfois un petit peu, mais bon, il faut accepter ça quand on a ce genre de personnage qui quand même sort de la médiocrité ambiante. Voilà, on va écouter Night Moves pour commencer. Thank you. Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis. Prends la ligne D du RER et erre dans les rues sévères d'une ville pleine de caractère. Prends la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo ou dans les bistrots d'une ville pleine de bonnes go et de gros clando. Si t'aimes voyager, prends le tramway et va au marché. En une heure, tu traverseras Alger et Tanger. Tu verras des Yougos et des Roms, et puis je t'emmènerai à Lisbonne. Et à deux pas de New Delhi et de Karachi, t'as vu, j'ai révisé ma géographie, je t'emmènerai bouffer du mafé à Bamako et à Yamoussoukro. Ou si tu préfères, on ira juste derrière manger une crêpe là où ça sent Quimper et où c'est un petit air du Finistère. Et en repassant par Tizi Ouzou, on finira aux Antilles, là où il y a des grosses renois qui font « Toi aussi là, quand au café là, ma fille ?» Au marché de Saint-Denis, faut que tu sois Zikfi. Si t'aimes pas être bousculé, tu devras rester zen. Mais sûr, tu prendras des accents plein les tympans et des odeurs plein le zen. Après le marché, on ira chez Mar, rue de la République, le sanctuaire des magasins pas chers. La rue préférée des petites rebeux bien sapées aux petits talons et aux cheveux blonds peroxydés. Devant les magasins de Zouk, je t'apprendrai la danse. Les après-midi de galère, tu connaîtras l'errance. Si on va à la poste, je t'enseignerai la patience. La rue de la République mène à la basilique où sont enterrés tous les rois de France, tu dois le savoir. Après géographie, petite leçon d'histoire. Derrière ce bâtiment monumental, je t'emmène au bout de la ruelle, dans un petit lieu plus convivial, bienvenue au café culturel. On y va pour discuter, pour boire ou jouer aux dames. Certains vendredis soirs, il y a même des soirées slam. Si tu veux bouffer pour trois fois rien, je connais bien tous les petits coins un peu poisseux. On y retrouvera tous les vauriens, toute la jet set des aristos crasseux. Le soir, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas grand chose d'ouvert. À part le cinéma du stade où les mecs viennent en bande, bienvenue à Kaira Land. Ceux qui sont là rêvent de dire un jour je pèse et connaissent mieux Cool Chain sous le nom de Bruno Lopez. C'est pas une ville toute rose, mais c'est une ville vivante. Il se passe toujours quelque chose, pour moi elle est kiffante. Je connais bien ses rouages, je connais bien ses virages, il y a tout le temps du passage, il y a plein d'enfants passage, je veux écrire une belle page, ville aux 100 000 visages, Saint-Denis centre, mon village. J'ai 93 200 raisons de te faire connaître cette agglomération. Et t'as autant de façons de découvrir toutes ces attractions. À cette putain de cité, je suis plus qu'attaché, même si j'ai envie de mettre des taquets aux arracheurs portables à la place du caquet. Saint-Denis, ville sans égale. Saint-Denis, ma capitale. Saint-Denis, ville peu banale. Ou à Carrefour, tu peux même acheter de la choucroute halal. Ici, on est fiers d'être dionysiens. J'espère que je t'ai convaincu. Et si tu me traites de parisien, je t'enfonce ma béquille dans le... Non. Moi, je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis. Voilà, Grand Corps Malade, vous l'avez peut-être reconnu, le morceau Saint-Denis sur son premier album Midi 20. Hein, Grand Corps Malade, un slammer né en 1977 et qui donc sur ce morceau nous invite à découvrir la ville de Saint-Denis et ses aspects multiculturels. Hein, Saint-Denis, la ville... comme vous l'avez compris, où il a grandi. Donc, bah oui, c'est un slam dans lequel il évoque donc son attachement à cette banlieue nord de Paris. Un morceau particulièrement efficace, je trouve, parce qu'il fait vraiment voyager avec très peu de moyens. Donc, à travers cet éloge quelque peu paradoxal, donc de cette cité cosmopolite. Bon, mais on va un petit peu changer de morceau maintenant, d'ambiance, oui. Alex. Hein. Oui. On va se retrouver dans l'Angleterre du tout début des années 80, en 81 précisément, avec Graham Bailey et Adrian Borland, tous deux membres du combo The Sound, qui, donc à la fin des années 70, ont créé un autre groupe du nom de Second Layer, qui en fait leur permettait de travailler sur des morceaux plus expérimentaux, disons, que ceux sortis pour The Sound, qui étaient plus dans une veine Cold Wave. Il s'agit là d'une sorte d'électro-cold assez dark, expérimental. C'est tiré donc de l'album World of Rubber, qui a été réédité il y a 2 ans par le label Cherry Red. Je vous recommande chaudement d'essayer d'en écouter un petit peu plus sur internet. Et voilà, signaler que le groupe a fait juste donc 2 maxis, 2 albums. Et puis ensuite, aura consacré sa carrière au groupe The Sound, Adrian Borland continuant ensuite sa carrière en solo, et connaîtra malheureusement une fin assez tragique. Alors je sais pas si je me trompe ou pas. Oui. Mais c'est lui qui a fondé Crime and the City Solution ou quoi ? Non. Ça n'a rien à voir. Non. D'accord. Non, là c'est... Pas de connexion. C'était en Australie. Non. Pas de connexion, voilà. Et bien vous... Voilà, c'est comme d'ailleurs. C'est parti. Thank you. The car is on fire, and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with 1,000 lonely suicides. And a dark wind blows. The government is corrupt. And we're on so many drugs with the radio on and the curtains drawn. We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death. The sun has fallen down. And the billboards are all leering. And the flags are all dead at the top of their poles. It went like this. The buildings toppled in on themselves. Mothers clutching babies picked through the rubble and pulled out their hair. little further down. For sure it's the Valley of Death. I open up my wallet, and it's full of blood. Et bien voilà, on vient d'écouter quand même un long morceau dont on avait déjà entendu l'introduction il y a quelques semaines. Là, on a carrément décidé de passer l'intégralité. Il s'agit, vous l'avez peut-être reconnu si vous êtes des fans, du Dead Flag Blues des Godspeed You Black Emperor Horror. Donc, évidemment, c'est premier morceau sorti par ce groupe. Ouais, voilà, un morceau vraiment superbe de ce groupe montréalais, créé en 1994 par Ephraim Menuk et Mauro Pezzente. Et donc, juste pour l'anecdote, ceux qui ne le sauraient pas encore ou qui ne connaissent pas ce groupe, hein, ce titre, ce nom étrange, Godspeed You Black Emperor, en fait, c'est tiré d'un documentaire japonais d'un certain Mitsuo Yanagimashi qui décrit les exploits d'une bande de motards Black Angels en fait. Hein. Et en fait, c'était les Black Emperors. Et voilà donc comment on est arrivé à un groupe qui a inventé une sorte de musique inouïe, post-rock. Vous voyez quand même que c'est quand même étrange des fois l'évolution des œuvres artistiques, comment un obscur documentaire peut devenir le nom d'un groupe culte. Bon. Oui, de post-rock ultime. Voilà. Écoutez, on va peut-être continuer avec. On va sûrement continuer avec un autre groupe culte pour le coup. Là, ah oui. Un autre groupe culte anglais, encore une fois. Il s'agit de Coil. Le groupe formé par John Balance et Peter Christopherson au tout début des années 80 là aussi, et on va écouter le titre Mu-Ur qui est présent sur l'album Astral Disaster, album qui était sorti à l'origine en 99 copies vinyle. Qui doivent valoir très cher aujourd'hui. Oui, on n'ose même pas imaginer un prix. Vous pouvez peut-être aller regarder sur eBay si vous voulez. Mais enfin, vu le culte autour du groupe et le fait qu'aujourd'hui on ne puisse trouver quasiment rien. Ça, c'est fou quand même. C'est quand même assez fou. Donc, je suppose qu'il y aura sous peu une série de rééditions. Espérons-le. Voilà. On l'espère, mais effectivement, comme à la fois John Balance et Peter Christopherson nous ont quittés il y a quelques temps. Là, il va y avoir des problèmes d'héritier ou voilà, d'ayant droit. Ça peut être très compliqué. Je suppose que ça peut être assez compliqué. Et donc, peut-être justement, les œuvres de Coil, là, ne vont faire que prendre beaucoup de valeur. Bon, en tout cas, ce titre Mu-Ur est un des morceaux... je crois un des morceaux finalement que moi je préfère de ce groupe. Alors, je vous laisse le découvrir. C'est un morceau plutôt dans une veine... ambiante, assez évolutive, qui finit même sur presque un petit côté New Age, mais toujours avec ce sens de l'étrangeté que maîtrise parfaitement Coil. C'est sur ce morceau que nous nous quitterons. On vous reprécise l'adresse du site internet lebeaubizarre.blogspot.com pour trouver toutes les informations sur nos émissions, les podcasts bien sûr. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Même heure. Salut à tous. Thank you. sand washed ashore. Helps me to see. Miraculous image of sound washed ashore.